On se baisse pour un regard, on n'est pas différent. Moi aussi j'en veux à toute la terre. Plus jeune on m'a menti, j'ai donné ma confiance. L'amitié j'en garde un goût amer. Dans ce monde y'a rien pour moi, m'enlève pas la musique. Sinon je vais recommencer mes conneries. J'ai protégé les autres, je m'en suis pris à moi-même. La corde sur mon cou c'est pas pour gaulerie. J'ai jamais rappé pour être célèbre. Si tu savais de quoi sont faits mes rêves. De bonne famille, mauvais élève. J'ai toujours les larmes aux yeux quand je m'énerve. Et j'ai fait des housses depuis. Souffert où j'étais et là où je suis. Je te raconte pas tout ce que je vis. Ma gueule tous les jours c'est un jour de pluie. Les larmes ont coulé, petit en colère. Ils me sont tombés dessus à 5 dans les couloirs. Quand j'étais que l'homme, personne m'a cala. Depuis y'a le peur, à maintenant ça veut me colin. Trop à l'heure qu'il est, si je coffe un calibre, fonce des sous-collales. Je serais pas rigolo, je me suis enculé. Je vois plus les couleurs, c'est celui qui parle pas qui va faire le killing. J'aime pas mes proches, j'étais délaissé. J'ai jamais eu le droit d'être adolescent. J'ai connu la violence dans tous les sens. S'il s'agit d'amour, je suis intéressé. Ils veulent me faire, mais qu'ils viennent, ces bâtards. J'ai pris des coups, j'ai pas peur de la bagarre. Je peux pas compter les squelettes dans le placard. Les hommes, les femmes qui sont les plus bavards. Si je te sens pas, tu le sauras vite. Et si je te parle, c'est le cœur à vif. Avant de dormir, je fume une clope aux aurores. Et je me pose des questions sur la mort, la vie. Si tu pars, on va te remplacer. Tous les je t'aime se font au passé. Je me sens tout seul comme à plusieurs. Je suis un ticket, je vois que t'es poussi. Et je kick à mort, parce que dehors c'est tragique à mort. Ça joue les creeps à mort. Un fusil, ils sont tombés vite, d'accord. Le rejet, la honte, j'ai grandi avec. Avant je leur souriais, mais ça c'était avant. Elle veut qu'on s'attrape, comme si je suis en vie. Elle veut que je la ken, comme si j'ai envie. Moi je pense à une autre, et Dieu sait que j'ai mal. Dis-moi au revoir, avant que je meure. Pour voir la concu, il me faut des jumelles. Et il me faut un brolique parce qu'on sait jamais. Chaque jour la corde de l'arc s'étire. J'ai roi Léonidas pour l'archétype. Et je passe mes journées avec ce qui le suicide. Mon ref, j'ai pas le temps pour le marketing. Toute la vérité, rien que la vérité. Le pitre à l'école, je pouvais pas faire autrement. Aujourd'hui encore, je rigole pour cacher ce remont. Et à la maison, ce que je voulais, c'est être aimé. Aucun diplôme, rien sur mon CV, des années chez le psy. J'y suis encore souvent. Ouais, je dis que ça va, gros. Si tu savais, je crois que le rap m'a sauvé comme 21 Savage.